sur internet, ça bug. Allô, allô, et là, ça bug. Après c'est fini, ça nique tout là. Putain, cet ordinateur, pourquoi il fait ça? Chiant. Ah, j'ai tout éteint. Ça.